C'est un conflit qui dure depuis 50 ans. Une guerre interminable est pourtant quasi oubliée, alors que c'est tout un peuple qui risque de disparaître, et dans le plus grand silence. Les Karen, une ethnie de Birmanie, ou plutôt du Myanmar, selon la terminologie en usage, cela fait donc un demi-siècle que les Karen se battent, simplement pour survivre. Combien sont-ils encore? Peut-être 4 millions. Mais nombre d'entre eux croupissent dans des camps de réfugiés situés à la frontière thaïlandaise. Beaucoup d'autres vivent dans des conditions misérables, au sud-est de la Birmanie, leur lieu d'habitat originel, où ils essaient d'échapper aux exactions de l'armée et au travail forcé. Tandis que leur guérilla, qui ne compte plus que 5000 combattants épuisés, équipés de briques et de brocs, essaie désespérément de résister. Alors, est-ce un génocide qui est en train de se perpétrer dans un pays où sévit une dictature impitoyable qui consacre 50% de son budget à ses forces armées, alors même qu'aucun ennemi extérieur ne menace la Birmanie? Une dictature qui entretient les meilleures relations du monde avec la Chine et avec son voisin, la Thaïlande, malgré les innombrables violations des droits de l'homme dont elle se rend coupable. Et quelle a été le véritable rôle de la compagnie Total, qui exploite là-bas des gisements gaziers et qui a été accusée d'avoir eu recours au travail forcé pour la construction d'un gazoduc au cœur du pays Karen? Enfin, dernière question. Qui étaient ces mystérieux mercenaires français qui sont allés combattre dans la jungle aux côtés des guérilleros Karen? Dans un instant, M. X ouvre ce dossier brûlant. Jamais sans doute une guérilla ne s'est battue aussi longtemps et avec une pugnacité semblable, malgré le dénuement, malgré le rouleau compresseur d'une armée moderne et bien supérieure en nombre et en équipement. Étonnez, c'est peut-être l'une des clés de cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? La guerre, ça se nourrit de la guerre. Et tant qu'elle dure, elle permet à l'un ou à l'autre des belligérants de justifier son engagement. Et surtout, de le poursuivre. Bon, ben, n'allons pas trop vite. Ça, évidemment. Alors, par où commencer? Une observation, d'abord. Le Myanmar, comme on l'appelle aujourd'hui, est une incroyable mosaïque ethnique. Officiellement, on y recense 135 groupes nationaux. C'est énorme. Et pour combien d'habitants? Bon, un petit peu moins de 50 millions. Enfin, il faut relativiser. Les deux tiers sont des Birmans. Et généralement, ce sont des bouddhistes. Alors, et les Karen, là? Un peu d'histoire, si vous voulez bien. Ouais. Les Karen, originaires de Mongolie, sont arrivés dans l'actuelle Birmanie quelques siècles avant notre ère. Et ils ont vraisemblablement été les premiers habitants de cette région, où ils ont colonisé les plaines drainées par de grands fleuves. Mais peu après, les Birmans ont surgi. Alors, c'est cela, d'où naît-il? Ils appartiennent à un groupe indo-tibétain. Donc c'est pas très éloigné des Karen. C'est juste, mais leur système social, c'est le féodalisme. Et ça se passe assez mal avec les Karen, qui tiennent à leur indépendance et se réfugient dans les montagnes, tandis que les Birmans envahissent les terres qu'ils cultivaient. Cependant, franchissons plusieurs siècles. C'est au début du XIXe siècle que les Anglais colonisent la Birmanie. Et d'emblée, les Karen vont entretenir de très bons rapports avec ces Européens. Et vice-versa, j'imagine. Bien évidemment. Comme toujours, le colonisateur privilégie une ethnie pour mieux assujettir les autres. Et en l'occurrence, ce sont donc les Karen. Ce qui provoque, bien entendu, l'hostilité des Birmans qui accusent les Karen de frayer exagérément avec les étrangers. Et à cela se mêlent des questions religieuses. C'est-à-dire? Selon une vieille légende Karen, un jour, un homme blanc viendra qui portera avec lui le grand livre de Dieu. Un homme blanc qui mettra fin aux souffrances des Karen. Voilà. C'est le colonisateur britannique? Mais il n'est pas seul. Il est accompagné d'une nuée de missionnaires. C'est ainsi que, peu à peu, le peuple Karen est évangélisé. Une partie au moins, car certains demeurent attachés au bouddhisme. La première conséquence, c'est que ces nouveaux chrétiens vont progressivement constituer, grâce aux colonisateurs, une sorte d'élite au sein de la Birmanie. Scolarisés, éduqués, ils deviennent fonctionnaires, instituteurs, policiers, etc. J'ajoute que l'un de ces missionnaires a inventé un alphabet en langue karen. On peut donc désormais l'écrire. Et très vite, un journal karen voit le jour. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui creuse un peu plus le fossé entre les Karen et les Birmans. Expliquez, là. Lorsque les Japonais envahissent la Birmanie, les Karen restent fidèles à la Grande-Bretagne et vont créer des maquis anti-nippons. Les Birmans, au contraire, profitent de l'occasion pour chasser le colonisateur britannique. Une armée de l'indépendance birmane, commandée par le général Aung San, va participer au combat contre les Anglais. Aux côtés des Japonais, donc. Et attendez, Aung San, là. Oui, mais bien entendu, c'est le père de Aung San Suu Kyi, le futur prix Nobel de la paix. Mais qui est aujourd'hui l'adversaire la plus résolue de la dictature birmane. Tandis que son père est toujours considéré comme le père de l'indépendance birmane. Malheureusement, pendant la guerre, cette armée birmane, créée par Aung San, s'en prend violemment aux Karen et commet de nombreuses exactions contre ceux-ci, accusés d'être des marionnettes au service des Britanniques. Oui, ça va laisser des traces. Forcément. Et après la Seconde Guerre mondiale, hein ? Eh bien, malgré les horreurs passées, la Birmanie, qui accédera formellement à l'indépendance en 1948, essaie de panser ses plaies. L'Union birmane se dote en effet d'une constitution proposé par le général Aung San, qui respecte les diverses ethnies qui la composent. Non seulement cet État fédéral reconnaît l'autonomie des minorités, mais il est prévu qu'après une période de 10 ans, ces groupes pourront éventuellement demander leur indépendance. Ce que désirent en particulier les Karen. Bien sûr. Mais un événement dramatique compromet leurs espoirs. En juillet 1947, Aung San et 6 de ses ministres sont assassinés. Et l'homme qui lui succède, Uu Nu, ne possède pas l'ascendant dont jouissait le général Aung San. Bientôt, c'est le chaos et le renforcement des pouvoirs de l'armée fédérale, ce qui provoque la crainte, sinon l'hostilité des Karen. Des Karen qui n'ont pas oublié les viols et les pillages de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ils commencent par manifester pacifiquement, mais ces rassemblements sont durement réprimés. Ouais, on s'achemine vers un conflit. C'était presque inévitable, car les Karen déclarent unilatéralement leur indépendance et créent leur propre force de défense. C'est l'escalade. Oui, et ça commence à la fin 1948. Des Karen sont massacrés par la soldatesque birmane, alors qu'ils assistent à la messe de Noël. Suivent des arrestations arbitraires, des assassinats et à nouveau des viols et des pillages dans les villages Karen. Et fin janvier 1949, c'est une véritable guerre qui éclate. Mais une guerre inégale, non ? Il est vrai que sur le papier, les forces en présence sont disproportionnées. En faveur des Birmans. Naturellement. Mais c'est sans compter avec le courage et la détermination des combattants Karen. Et contre toute attente, les Karen tiennent bon. Alors, le gouvernement birman change de tactique. Et il abandonne au moins, provisoirement, la solution de force et fin d'accepter des négociations. Mais il en profite surtout pour réorganiser ses troupes. Et de l'autre côté, alors ? Les Karen font un pas de plus vers la partition. Ils annoncent une nouvelle fois qu'ils créent leur État qu'ils appellent le Kotulé, c'est-à-dire le pays de la félicité. Mais en langue Karen, ça peut aussi vouloir dire le pays pour lequel il faut se battre. Ah ben ça, c'est clair. Voilà. Et sachant qu'ils auront du mal à défendre les plaines et les villes, les Karen opèrent un mouvement de repli vers les hauteurs. Alors exactement comme lorsque les Birmans sont apparus autrefois dans le pays. Hein. Exactement. Et la suite alors ? Comme aucune des deux forces en présence n'a réussi à s'imposer, on va assister à une sorte de statu quo. Mais la KNU, c'est-à-dire l'armée de libération Karen, va inévitablement aller de recul en recul, un lent déclin, d'autant que le régime birman se durcit. En 1962, un putsch installe au pouvoir une dictature militaire d'obédience socialiste, et son chef, Ne Win, décide aussitôt d'en finir avec les négociations avec les différentes ethnies du pays. Conséquence immédiate, des arrestations sont opérées un peu partout dans le pays. Et les Karen sont bien sûr concernés par cette politique de répression. En effet, mais une certaine solidarité commence à unir tous ces groupes ethniques qui sont désormais également soumis à la répression militaire et qui s'insurgent. Il va donc y avoir une multiplication des guerriers. Et malgré l'interdiction des partis politiques, cette solidarité ira en s'élargissant. En 1975, le général Baumia, le chef militaire et politique des Karen, obtient même la création d'un front démocratique. Et en regroupant les diverses guerriers. Exactement. Et au total, ça fait une armée de 30 000 hommes. Oui, mais c'est une armée dispersée sur plusieurs fronts. Certes. Cependant, cette coalition paraît capable de créer de sérieux ennuis à la dictature. Mais surtout, il apparaît que l'ossature de cette opposition armée est bien constituée par la guérilla Karen. C'est la plus forte, entre 8 000 et 10 000 combattants. Et la plus organisée. Et donc la plus redoutable. Oui, même si elle doit faire face à de nombreuses difficultés. La taille du front, par exemple. Elle contrôle et défend un territoire tout en longueur qui s'étale sur presque 1000 kilomètres. Et puis il y a l'équipement qui fait défaut. Les armes qu'elle arrive à acheter en vendant du bois, par exemple, ou en percevant des droits de douane, sont essentiellement des armes légères. Ouais. Et face à une armée moderne, elles font pas le poids. C'est évident. Toutefois, c'est là où je voulais en venir, elles bénéficient d'une image très positive. En Occident, c'est même un modèle de guérilla. Un modèle, qui convient d'aider et d'encourager. Et ça lui vaudra d'être rejointe par de curieux personnages. En cherchant sur Internet des informations sur les Karen, j'ai trouvé un site de l'Union Nationale Karen, leur principale organisation, où ils racontent eux-mêmes leur histoire. J'en extrais ce passage. Nous sommes conscients que la tactique d'anéantissement, d'absorption et d'assimilation pratiquée contre toutes les autres nationalités par les dirigeants birmans sera continuée par le Birman à l'avenir aussi longtemps qu'il dispose du pouvoir. Nous nous rappelons qu'aux accords d'indépendance d'après-guerre, il n'y avait aucun représentant Karen, ni dans l'une ni dans l'autre des délégations, et on n'a nulle part cherché le point de vue Karen. Ce que, tout au plus, les Birmans nous permettaient, c'était un pseudo-État Karen entièrement dominé par les Birmans. Dans ce genre d'État Karen, nous devons vivre dans une peur permanente de leurs abus cruels et de leur pouvoir sur nous. Le 4 janvier 1948, les Britanniques ont donné à la Birmanie son indépendance. Les Karen ont continué à demander au gouvernement birman, sans violence et par voie démocratique, leur autodétermination. Mais, au lieu de chercher un compromis, le gouvernement et la presse birmane ont agité le peuple birman afin de créer des affrontements entre eux et les Karen. Ils prétendaient aussi que ce n'était pas l'ensemble des Karen qui voulait son propre État, mais seulement une poignée de laquais des Britanniques qui cherchaient à torpiller l'union de la Birmanie. Un mot encore avant de parler des personnages qui vont prendre la décision de venir aider les Karen. Pourquoi cette guérilla a-t-elle bénéficié d'un préjugé positif en Occident ? Eh bien d'abord parce qu'en cette période de guerre froide, et à la différence de la plupart des guérillas existantes qui étaient plutôt d'inspiration marxiste, cette opposition armée était nettement anticommuniste. Parce qu'elle luttait contre une dictature socialiste, enfin président Duterte. Oui, oui. Mais surtout parce que les Karen, ceux qui se battaient en tout cas, étaient des chrétiens qui n'hésitaient jamais à mettre leur foi en avant. Ensuite, et c'est très important, cette guérilla prenait une rigueur morale exceptionnelle. Pas question, par exemple, de toucher au trafic de drogue, un trafic qui constituait la ressource principale d'autres guérillas de la région. Le nord de la Birmanie appartenait au fameux triangle de l'opium. Et de prétendus rebelles n'étaient en fait que des récoltants de pavots et des trafiquants de drogue, comme le fameux Khunsa, qui s'est bâti un véritable empire dans cette région aux confins du Laos et de la Thaïlande. Ouais, le triangle d'or. Et c'est un trafiquant qui jouissait de nombreuses complicité. Hein. Qui lui conférait une relative impunité, oui. Y compris naturellement dans les cercles des pouvoirs régionaux. En tout cas, pour revenir aux Karen, cette guérilla, malgré le fait qu'elle opérait dans un territoire éloigné et très peu médiatisé, a exercé un véritable pouvoir de séduction sur un certain nombre de jeunes occidentaux exaltés. Quelle tendance ? De droite, sinon d'extrême droite. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de Français vont aller combattre les armes à la main dans les rangs des Karen. Autant de gens qui viennent à leur secours parce qu'ils sont chrétiens et anticommunistes. Parmi eux, on va trouver d'anciens soldats perdus de l'OAS et des rescapés des guerres blanches qui ont été menées en Afrique. Ouais, ça, les affreux. Oui. Ouais. Mais alors, ce sont des mercenaires, hein. Il ne s'agit pas seulement d'idéal. Exactement. Et un peu plus tard, on verra apparaître quelques éléments issus directement du DPS, le service d'ordre du Front National de Jean-Marie Le Pen. Certains y trouveront la mort. Encore un mot sur ces hommes. Un personnage légendaire se joindra à ces mercenaires, Pierre Guillaume. Ah, ça c'est le célèbre crabe tambour. Hein. Lui-même, ouais. Un officier de la marine française qui, après avoir combattu en Indochine, rejoindra les putschistes d'Alger. Mm-hmm. Et qui sera plus tard le héros d'un beau film, il faut le dire, de Pierre Schoendoerffer. C'est ça, mais c'est assez paradoxal et même complètement absurde. Certains mercenaires originaires des mêmes milieux politiques, et parfois issus de nos services, faut bien le dire, seront employés par des entreprises de sécurité au service de la compagnie Total. Ouais, Total qui voulait sécuriser ses installations de production et de transport de gaz menacées par des incursions des rebelles Karen. Et par conséquent, ces mercenaires vont se trouver engagés contre les guérillas. Alors, des guérillas où combattaient quelques-uns leurs camarades français. Ah, mais telle est la vérité, hein, pourtant. Hein. Et puisque nous parlons de Total, abordons tout de suite la délicate question de ses rapports avec la junte au pouvoir à Rangoon. Ouais, Total a même été accusé d'être principal soutien de ce régime dictatorial. Hein. Accusation portée par Aung San Suu Kyi, le prix Nobel qui est privé de liberté depuis des années. Puis il y a une accusation encore plus grave. Hein. Total a été soupçonné d'avoir fait appel au travail forcé pour la construction de son gazoduc. Alors, qu'en est-il exactement de ces accusations? Je crois vous en avoir parlé il y a déjà un certain temps. Oui, c'est vrai. Alors, résumons. D'abord, la complicité avec le régime. Eh bien, il est vrai que toute société qui s'engage dans une importante entreprise économique rend service au pouvoir en place et noue des relations avec les dirigeants. Donc, c'est vrai, Total a été bien utile aux généraux birmans. Oui, mais le travail forcé... Il a bien existé, mais le plus souvent, ce sont les militaires birmans qui ont fait le sale boulot. D'accord, mais au profit de Total, alors. Au fond, ça ne change pas grand-chose. Hein. Vous avez en partie raison. Et puis, il y a ces sociétés de sécurité employées par Total et qui ont coopéré avec les militaires birmans. Bon, encore une fois, c'est juste. Mais il faut aussi tenir compte d'un fait. Quoi ? La désinformation, c'est oui, ça ? Oui, je ne dis pas que les dirigeants de Total ont les mains blanches, mais certains ONG états-uniennes ont sciemment colporté ces accusations afin de nuire à la compagnie française. Ouais, parce qu'elles travaillaient en fait pour des compagnies pétrolières concurrentes. Et généralement nord-américaines. Alors, bon... Restons-en là et poursuivons. Des mercenaires français ont donc participé à la lutte des Karens et ont entraîné leurs combattants. Toutefois, c'était une goutte d'eau dans la mer tant cette guérilla était pauvre, démunie et surtout dépourvue de toute aide extérieure. En outre, géographiquement, elle était par force cantonnée dans les marges du pays. Oui, près des frontières. La frontière thaïlandaise, oui. Et comme les Karens ne disposaient pas de débouchés maritimes, ils étaient obligatoirement dépendants de la Thaïlande. C'est par ce seul pays, à la frontière poreuse, qu'ils pouvaient exporter leurs rares ressources et acheter ce dont ils avaient besoin. Or, si pendant longtemps les Thaïlandais ont fermé les yeux sur ces trafics et autorisé l'ouverture de camps de réfugiés sur leur sol, ils vont bientôt changer de politique. Pourquoi alors ? Oh, c'est très simple. Les généraux birmans leur ont fait miroiter de mirifiques projets de coopération économique. À condition de ne plus soutenir les Karens. C'est évident. Ouais, ouais. Par conséquent, la frontière est devenue beaucoup moins poreuse. Et à terme, la guérilla Karen risque d'être purement et simplement asphyxiée. Mais revenons un peu en arrière. À une époque où les Karen étaient encore capables de s'opposer efficacement au pouvoir central. En 1988, une révolte étudiante enflamme Rangoon, la capitale birmane. Le pouvoir prend rapidement peur car le mouvement étudiant est très populaire. Alors que peuvent faire les militaires ? Bien loin de se démettre et de rendre le pouvoir aux civils, ils durcissent encore un peu plus le régime. La loi martiale est décrétée, la répression est féroce. Les émeutiers qui vont résister deux longs mois sont écrasés et 3000 personnes trouvent la mort. Et c'est à cette occasion que l'opposante démocrate Aung San Suu Kyi est placée en résidence surveillée. Par ailleurs, nombre de révoltés s'enfuient et rejoignent les guérillas. Oui, mais sur le terrain, les militaires ont gagné. Et c'est le chef d'état-major, Sao Moung, qui s'installe à la tête de la junte et crée le SLORC. SLORC, que signifie cet acronyme menaçant? Le SLORC, qui est toujours au pouvoir sous un autre nom, c'est le Conseil d'État pour la restauration de la loi et de l'ordre. Ah ouais, c'est très explicite. Hein. Mais en 1990, sous la pression de l'opinion internationale, qui a massivement condamné la répression sanglante des émeutes de 1988, les militaires concèdent l'organisation d'élections. Je me souviens, on assiste alors à un succès écrasant de l'opposition. Hein. Le parti démocrate d'Aung San Suu Kyi obtient en effet plus de 80% des suffrages. Cependant, les militaires ne sont nullement décidés à rendre le pouvoir. Bien au contraire, ils contre-attaquent en arrêtant les principaux leaders de l'opposition. Et ceux qui échappent à ces interpellations rejoignent les Karens et leur quartier général de manière plate. Un renfort pour les Karens, donc ? Un renfort politique et moral. Mais ce dont les Karens ont surtout besoin, c'est de moyens militaires. Et ça... Ces fuyards sont malheureusement incapables de le leur apporter. Ouais. C'est peu après que le prix Nobel de la paix sera attribué à Aung San Suu Kyi. En 1991, oui. Mais ça n'impressionne pas outre mesure les généraux de Rangoon qui rebaptiseront leur pays. La Birmanie devient le Myanmar. Ça signifie, en fait bon, je crois que ça vient d'un mot birman qui veut dire fort. Enfin, peu importe. C'est le symbole qui compte. Et le pouvoir militaire débarrassé de l'opposition politique va maintenant tout mettre en œuvre pour réduire la rébellion Karen. Et comment alors ? Les généraux vont instiller chez les Karen le poison de la division. Monsieur X a évoqué le travail forcé imposé aux Karen. Sous le titre « Birmanie, l'horreur au pouvoir », Le bulletin de la CISL, Confédération internationale des syndicats libres, y consacre tout un numéro, je cite. « Il ne se passe pas un jour en Birmanie sans que les militaires n'obligent plusieurs centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et de personnes âgées à travailler contre leur gré, généralement sans salaire. Ce travail forcé existe sous beaucoup de formes différentes. Construction et entretien des routes, des chemins de fer, travail de messager pour les troupes, travail sur les champs confisqués aux paysans par l'armée, etc. Dans la plupart des cas, les travailleurs forcés doivent amener leurs propres équipements et nourriture. La forme la plus redoutée de travail forcé est celle de porteur pour l'armée, qui consiste à porter de très lourdes charges de munitions et marchandises durant de longues heures de marche dans les collines, parfois à travers des zones de combat, affamés, battus, voire tués. S'ils ne peuvent plus suivre ou tentent de s'enfuir, les porteurs doivent aussi marcher devant les soldats, là où risquent de se trouver des mines antipersonnelles, et parfois servir de bouclier humain lors des échanges de feu. Femmes et enfants n'échappent pas à ce type de travail, même si ce sont surtout des hommes qui sont demandés. Il a fallu des années pour que la junte militaire reconnaisse l'existence du travail forcé, mais elle affirme maintenant que c'est en dépit de sa volonté. Elle soutient qu'elle émet des ordres pour arrêter le recours au travail forcé, mais qu'elle ne parvient pas toujours à les faire appliquer par les militaires au bas de l'échelle. Vous avez parlé de division là au sein du peuple Karen. Là, une précision d'abord. Si parmi les combattants Karen, il y a de nombreux chrétiens... On a même dit que la guérilla se réclamait du christianisme. C'est juste, et plus spécifiquement de l'église adventiste du septième jour. Mais ce sont surtout les chefs qui sont chrétiens, car à la base, tous les guérilleros ne sont pas chrétiens, bien au contraire. Ils sont quoi, bouddhistes ? Ou même animistes. Ah oui. C'est un premier facteur de division. Faut pas oublier qu'en Birmanie, les Karen ne sont christianisés qu'à 15 ou 20%, pas plus. Mais ce qui est trompeur, c'est l'héritage de la colonisation. C'est que les élites Karen sont généralement christianisées. En tout cas, les militaires vont profiter de cette situation. Quoi, en montant les bouddhistes contre les chrétiens ? Bien évidemment. Et la junte va encourager en 1994 la création d'une armée Karen bouddhiste. Une scission, donc ? Oui, car beaucoup de ses membres ont précédemment appartenu à la KNU, l'armée Karen du général chrétien Baumia. Mais, disent-ils, ils ne veulent plus se faire tuer en obéissant à des chefs chrétiens. Mais ça ne les empêche pas d'être en principe partisans de l'indépendance du peuple Karen. Ah, mais seulement en principe. Car ces combattants bouddhistes vont bientôt apparaître comme étant de simples supplétifs de l'armée birmane. D'ailleurs, c'est Rangoon qui fournit argent et équipement à ces soldats bouddhistes. Mieux, le SLORC. Alors rappelons que c'est l'acronyme qui désigne la junte. Hein, ouais. Oui, donc le SLORC va considérer ou feindre de considérer ces dissidents bouddhistes comme les véritables représentants du peuple Karen. Mais sur le plan militaire, ça se traduit comment alors ? Cette armée bouddhiste va jouer un grand rôle dans l'offensive que l'armée birmane va lancer en 1995 contre la rébellion Karen. En effet, les dissidents connaissaient parfaitement les plans de défense des camps retranchés de l'armée Karen, et aussi les chemins secrets qui y mènent. Ils trahissent donc leurs anciens frères d'armes. Trahison, c'est le mot qui convient. Et les conséquences sont terribles pour les Karen. En 1995, les militaires birmans remportent une importante victoire en détruisant le principal bastion de la rébellion, Manerplo, un endroit qui n'était pas seulement un refuge pour les Karen, mais aussi pour tous les opposants civils à la junte militaire qui avaient été obligés de fuir la capitale. Ajoutons que Rangoon a toujours prétendu que les combats avaient été menés entre Karen. Ah oui, les dissidents bouddhistes contre les autres. Mais c'est faux. La puissance de feu utilisée ne pouvait être que le fait de l'armée birmane. En outre, d'autres camps de la rébellion ont été simultanément attaqués. Il s'agit donc d'un important revers pour la guérilla Karen. Oui, oui, même si de nombreux combattants ont réussi à fuir avant d'être abattus. Mais c'est vrai, la situation de la guérilla devient un peu plus précaire. Et puis surtout, cette défaite va provoquer un nouveau flot de réfugiés qui vont rejoindre les camps installés à la frontière thaïlandaise où les familles ne subsistent que grâce à l'aide internationale. Des réfugiés qui subissent de plus en plus des incursions armées de ces dissidents bouddhistes. Des incidents très sérieux qui provoqueront une mini-crise entre la Birmanie et la Thaïlande. Mais pas au point de remettre en cause ce rapprochement opéré entre les deux pays, là. Non. En tout cas, les Karen, de plus en plus isolés, ne sont plus capables d'opérer des actions d'envergure contre l'armée birmane. tout au plus, peuvent-ils se livrer à quelques destructions d'infrastructures. Et d'ailleurs, après avoir triomphé, le pouvoir temporise. Oui, pourquoi les offensives contre les rebelles ne sont plus aussi systématiques? Et on tente même, de part et d'autre, d'esquisser des négociations de paix. Mais les revendications des uns et des autres sont inconciliables. Ce qui intéresse les militaires au pouvoir, c'est seulement l'obtention d'un cessez-le-feu. Oui, ce qui est inacceptable pour la guérilla Karen, qui, elle, veut obtenir un accord politique. C'est exactement ça, oui, mais ce relatif apaisement profite aux dirigeants birmans qui veulent améliorer leur image internationale. Ils réussissent, par exemple, à intégrer l'ASEAN, l'association qui regroupe la plupart des pays du sud-est asiatique. On leur accorde donc une sorte de gage de respectabilité. Bah ouais, mais enfin, après tout, bien d'autres pays de cette association, tels le Vietnam, ne sont pas des parangons de démocratie. Alors un de plus, un de moins, ce qui importe, ce sont les liens économiques que ces pays peuvent tisser entre eux. La morale n'a pas grand-chose à voir avec ces choses-là. Autre signe que Rangoon aspire à être reconnu, le SLORC, toujours celui-là, change de nom et devient le SPDC, le Conseil pour la paix et le développement. Ça sonne mieux, en effet. Ah, mais ça ne correspond à aucun changement véritable. Pour terminer, car nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien, je voudrais vous parler d'une autre dissidence qui s'est produite dans les rangs Karen. Et je suis certain que ça va vous rappeler quelque chose. Avez-vous déjà entendu parler de l'armée de Dieu? Ah oui, les jumeaux. Les jumeaux, oui. Johnny et Luther. Deux garçonnets tout juste sortis du sari de leur mère, une protestante baptiste. Ils ont à peine 9 ans lorsque, dans le camp de réfugiés où ils vivent, les jumeaux voient arriver des centaines de gens qui ont fui la répression. C'était il y a exactement 10 ans. Et pour ces gamins, il est évident que si Dieu à abandonner les Karen, c'est que ceux-ci sont de grands pêcheurs. Ils boivent, volent, forniquent, enfin bref, il faut se repentir. Jusque-là, c'est assez banal, enfin si je puis dire. Seul l'âge de ces prêcheurs est étonnant. Hein. Ah ben, ce n'est qu'un début, car bientôt l'un des jumeaux a une autre vision. Dieu lui commande de délivrer son peuple du joug birman. Et afin de réaliser cette mission divine, les jumeaux doivent créer une armée. L'armée de Dieu. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Ça ressemble à ce qui s'est passé en Ouganda, l'armée de résistance du seigneur de l'illuminé Joseph Kony. Exactement. Ah, ouais. Ce n'est pas la seule ressemblance. Johnny et Luther, comme Kony, recrutent des enfants soldats. Une parenthèse ici. Au cours de cet interminable conflit, les Karen, tout comme les Birmans, ont employé des enfants soldats. Et même des gosses qui ployaient sous le poids de leurs fusils d'assaut. Des gamins enrégimentés par la force et qui étaient entraînés à user de la pire des cruautés. Mais je referme la parenthèse. Johnny et Luther parviennent donc à former une petite armée de quelques dizaines de combattants. Mais les armes? Ils commencent par attaquer un poste militaire et s'emparent des armes modernes qu'il contient. Enfin, je vais vite. Hein. Ça ne vous ressemble pas, ça. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Comme l'Ougandais Kony, les jumeaux affirment être invulnérables. Les balles ne peuvent pas les atteindre. Mais la fin est assez pitoyable. Après avoir réellement créé de vraies difficultés à l'armée birmane et avoir installé leur camp près de la frontière thaïlandaise, ils subissent un bombardement intense et doivent fuir. Les enfants soldats se lancent alors dans une folle aventure. Une prise d'otage dans un hôpital qui se trouve de l'autre côté de la frontière. Et pourquoi? Mais ils réclament l'ouverture de cette frontière pour les Karen qui fuient. Mais l'armée thaï réagit brutalement et finit par exécuter ses enfants. Les jumeaux aussi? Non, ceux-ci, tout en ayant pris l'initiative, n'ont pas participé à cette expédition. Et après une longue errance dans la jungle, épuisés, ils finiront par se rendre à l'armée birmane. Alors, il en sera terminé de l'armée de Dieu, là. Mais les Karen continuent à résister, en dépit de la répression toujours aussi féroce. Et il faut bien le dire, sans que la communauté internationale s'émeuve beaucoup. Certes, parfois, des ONG protestent, le Bureau international du travail aussi, qui a condamné le travail forcé. Quant aux pays occidentaux, ils appliquent des sanctions économiques contre la Birmanie, mais ça ne paraît pas très efficace. Non, malgré les conditions difficiles dans lesquelles survit cette guérilla birmane, comment expliquer que le combat continue encore? Et c'est tout à l'honneur de cette ethnie en voie de disparition, car le paludisme ne cesse d'éclaircir ses rangs. Et puis existent toujours les incursions de l'armée. Les soldats birmans violent, pillent, incendient les écoles et pourchassent les rares organisations qui essaient de leur venir en aide. Par exemple, en apportant des médicaments dans les villages. L'armée n'hésite pas à tuer leurs émissaires. C'est donc maintenant, quoi, un processus systématique d'éradication de la population carène. Oui, mais je suis sûr que dans leur palais, les généraux birmans ne souhaitent pas venir à bout définitivement de ces malheureux rebelles. Et pour quelle raison, alors? Parce que tant qu'il existe un rebelle, la junte peut justifier l'accroissement vertigineux de son budget militaire. Un budget qui représente pas moins de la moitié du budget total du pays. C'est faramineux, hein? Et ça permet aux dirigeants de l'armée de vivre dans le plus grand confort au milieu d'une population misérable et muselée. Pour finir, je vous propose un extrait d'un tout récent reportage d'un journaliste de l'AFP, Jack Barton. Pilou n'aurait jamais pensé que les opérations militaires en pays carène la forcerait à fuir son petit village de l'est de la Birmanie avec ses 8 enfants. Elle était pourtant restée après la mort en 2003 de son mari tué par une mine dissimulée dans l'un de leurs champs de riz. Cependant, au cours de l'année écoulée, une offensive du régime militaire birman dans une zone peuplée d'habitants de l'ethnie minoritaire karen s'est intensifiée au point que cette femme ne pouvait plus supporter la situation. Il était temps de partir. Pilou est donc parti avec sa famille, marchant pendant des semaines à travers la jungle et trouvant refuge dans un camp caché dans les montagnes près de la frontière thaïlandaise. Deux de ses enfants souffrent du paludisme dans le petit hôpital de fortune établi dans ce camp près d'une rivière. Les patients souffrent également de diarrhées chroniques et de blessures provoquées par les mines d'un conflit largement oublié par le reste du monde. Sur la route, ils ne reçoivent aucun soin médical et quand ils arrivent tous en même temps, il n'y a pas assez de lits, dit un infirmier qui préfère garder l'anonymat. Ce camp, composé de huttes en bambou, n'existait pas il y a un an. Il abrite maintenant quelques 2500 personnes.